On me considère comme une artiste pour deux raisons. D'abord, je suis romancière. En plus d'écrire, je suis passionnée par la littérature. J'ai un doctorat et je donne souvent des conférences sur le mouvement littéraire du romantisme. Mais c'est surtout pour mon activité de violoniste que je suis reconnue. Depuis mes 5 ans, mon violon et moi, nous sommes inséparables. Si je suis artiste, c'est pour pouvoir exprimer une foule d'émotions et en provoquer d'encore plus belles chez le public. Mais c'est aussi parce que j'adore éprouver les frissons de la scène. Le moment le plus gênant de ma carrière d'artiste fut lorsque je multipliais les fausses notes lors d'un concert à la prestigieuse salle Pleyel. J'étais tétanisée, mais je n'ai pas renoncé. J'ai continué et après 3 longues minutes, je prenais de nouveau plaisir à jouer. J'aime croire que tout ce que je peux toucher peut devenir art. Ça peut être quelque chose de petit, d'un bol en argile à une mini sculpture en chewing-gum, ou de plus grand, comme une installation avec des mobiles, des objets suspendus, des meubles disposés de manière à déclencher une émotion. C'est ce que je recherche en tant qu'artiste. Provoquer une émotion et contribuer à embellir l'espace privé comme l'espace public. Évidemment, ça ne fonctionne pas toujours. Une fois, j'ai fait scandale en voulant susciter une réaction. Je ne m'étais pas rendu compte que ma sculpture pouvait aussi être vue de manière obscène. Je fais attention maintenant.